L'émission qui va suivre a donc été enregistrée samedi dernier en public dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne à l'occasion du premier forum Les Idées Claires. Les Idées Claires, c'est ce format hebdomadaire en vidéo et en podcast dans lequel je vous propose chaque semaine de déconstruire une fausse information, une idée reçue ou une infox, comme il est d'usage de dire maintenant. Premier forum donc au cours duquel nous avons voulu interroger l'origine du divorce entre les citoyens et la science et remonter aux sources de cette ère du doute. Eh bien bonjour à toutes et à tous, bravo, merci d'avoir bravé le réveil du samedi matin pour venir dans cet auguste endroit pour parler de ces questions de vérité, de contre-vérité, de distorsion de la vérité, en l'occurrence dans le domaine scientifique, puisque c'est ce que nous allons interroger pour cette première heure de table ronde, où on va essayer de comprendre, de remonter le temps un peu et de se dire à quel moment le divorce a-t-il commencé à avoir lieu entre la science, entre les scientifiques et les citoyennes et les citoyens. Et pour commencer, vous connaissez peut-être, j'aime bien cette petite bande dessinée, c'est un petit comic strip de quatre cases que je vais essayer de vous décrire. Peut-être que vous l'avez vu passer sur vos timelines ou sur vos réseaux sociaux respectifs. La première case... En fait, on voit une chercheuse qui est certainement une informaticienne ou une mathématicienne qui est derrière son ordinateur au travail et avec en texte les efforts de nombreux scientifiques. Deuxième case, on voit une fusée Ariane qui décolle de la Terre, qui file vers l'espace avec en texte un des plus grands challenges technologiques. La troisième case, c'est un satellite qui est en orbite autour de la Terre, qui est bel et bien ronde avec tout ça nous amène à donner accès Internet à, et c'est la quatrième case, Billy. Et on voit Billy en question, un type le visage un peu en colère, un peu patibulaire, qui peste devant son téléphone portable et qui dit « La Terre est plate ». Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait notamment ces dernières années pour qu'on arrive à ce niveau de défiance? Pourquoi est-ce que la parole scientifique est à ce point remise en question, en cause? Il y a un sondage CNRS qui a beaucoup fait parler de lui, qui a une dizaine d'années maintenant, mais qui montrait que tout de même une personne sur deux en France estime que la science apporte à part égale autant de bien que de mal. Alors voilà, on va parler de cette ère du doute scientifique pour essayer d'en comprendre les racines avec Bernadette Bensot de Vincent. Bonjour, vous êtes philosophe, historienne des sciences, professeur émérite en philosophie à l'université Panthéon Sorbonne. Gérald Bronner, bonjour, vous êtes professeur de sociologie à l'université Paris Diderot. Et Étienne Klein, directeur du laboratoire de recherche sur les sciences de la matière au CEA et producteur de la conversation scientifique tous les samedis à 16h sur France Culture. Bonjour Étienne. Bonjour. Alors peut-être pour commencer, Bernadette Bensot de Vincent, la science et les citoyens, finalement, ce lien de proximité, historiquement, il est assez récent. C'est-à-dire qu'à l'origine, la science, ça appartient à un petit groupe de sachants qui n'a pas vocation à transmettre au plus grand nombre. Oui, elle a quand même été assez diffusée dès le XVIIIe siècle. Pensez à l'encyclopédie, hein, qui a quand même atteint vraiment toutes les couches bourgeoises de la société. Puis il y a eu des grands efforts de vulgarisation au XIXe siècle. Ce qui est certain, et c'est que depuis quelques années, les recherches scientifiques touchent plus peut-être notre quotidien, notre vie quotidienne, parce qu'elles sont peut-être plus tournées vers des applications ou qu'elles impliquent aussi plus des techniques dans la production même des connaissances. Et donc, le public est peut-être plus interpellé et puis surtout, le public est maintenant plus informé grâce aux nouveaux médias. Alors, est-ce qu'il est bien ou mal informé? Ça, on va en parler, je crois. Mais il est plus averti, en tout cas, de ce qui se passe dans la communauté scientifique qui est toujours un petit peu, qui ne peut plus, en tout cas, fonctionner comme une forteresse. Gérald Bronner, peut-être pour commencer, historiquement, on a tendance à dire qu'il y a la révolution industrielle, le début du progressisme, du scientisme, de la notion de progrès qui, concrètement, la science se met à améliorer directement la vie des citoyens. On vit mieux, on vit plus longtemps, on est soigné, et ça a une influence concrète sur la vie quotidienne des gens. Oui, certainement, d'une part, les applications, on va dire, de la science et de la technologie sont peut-être un peu plus évidentes au moment où l'électricité, au moment où les transports ferroviaires, par exemple. Mais justement, c'est un bon exemple, car on sait que très tôt, il y a eu des mouvements d'opinion, et en particulier à l'Assemblée nationale, donc portés par les députés, contre, par exemple, les chemins de fer, auxquels on prêtait toutes sortes de catastrophes possibles, pleurésie, dévirilisation des troupes, hein, si on emmenait les troupes par le train, etc. Donc, vous voyez, ça date pas d'aujourd'hui. Ce qui a fondamentalement changé, je crois, c'est deux choses qui ont été dites par Bernadette Benson-Vincent. D'abord, l'information. C'est-à-dire qu'il y a eu une profonde révolution sur le marché de l'information, parce qu'il ne faut pas oublier tout de même que pour la plupart d'entre nous, y compris autour de cette table, quand on va parler de certaines technologies, nous ne sommes pas vraiment compétents. Nous croyons qu'il existe un réchauffement climatique, mais nous le croyons sur la base d'un consensus scientifique, parce que nous faisons confiance à cette communauté. Et généralement, donc, nous avons un rapport à ces consensus, on va appeler ça une croyance par délégation. Ça, c'était la première chose. Donc, alors, pourquoi tout à coup, ce processus de confiance, de croyance par délégation, s'est-il grippé? Puis la deuxième chose, c'est que cette confiance, elle est accompagnée par une grande narration du temps. Par exemple, l'idée que demain sera en quelque sorte supérieur à aujourd'hui, grâce en particulier au progrès de la science. C'est ce qu'on appelle le progressisme scientifique. C'est une idéologie, bien entendu, c'est une représentation du temps. Et je crois qu'effectivement, c'est une représentation du temps qui manifestement s'est grippée. Le divorce, Étienne Klein, c'est effectivement la fin du progressisme, la fin, on a plus confiance en la science pour rendre demain meilleur. Bon, je suis pas sûr qu'on puisse parler de divorce déjà. C'est-à-dire, on est plutôt dans les prémices. On vit encore ensemble, mais on se parle plus entre la science et la société. Ça me semble ça plutôt le symptôme d'aujourd'hui. Vous parliez d'information. En fait, moi, j'observe autour de moi que beaucoup de gens ont beaucoup de connaissances scientifiques. Presque tout le monde sait que l'atome existe. Presque tout le monde sait que la Terre est ronde. Presque tout le monde sait que l'univers est en expansion. Presque tout le monde sait que nous avons détecté les ondes gravitationnelles, etc. Mais nous avons une très mauvaise connaissance de ces connaissances. C'est-à-dire, nous ne savons pas dire comment, dans l'histoire des idées, elles sont devenues des connaissances en concurrence à l'époque avec, disons, des croyances. Mes étudiants, par exemple, se moquent assez facilement de ceux qui pensent que la Terre est plate. Mais si je leur demande, les amis, comment est-ce qu'on a su que la Terre était ronde? Personne ne sait répondre. Certains pensent que c'est Galilée qui a démontré que la Terre était ronde. Et donc ils pensent que Magellan est parti sur une terre plate. En fait, on sait que la terre est ronde depuis très longtemps. Et on l'a su bien avant de le voir. Mais comme nous ne savons pas dire comment on l'a su, nous traitons ces savoirs scientifiques comme si c'était des croyances. Ce qui induit une forme de relativisme diffus qui fait qu'on ne sait même plus dire ce que dit la science. Et donc, vous parliez d'information, et j'insiste sur ce mot parce qu'il me semble que la science est la première victime d'une crise de la patience. Quand les scientifiques sont interrogés, par exemple le jour de la découverte du boson de Higgs, le 4 juillet 2012, on leur donne 2 minutes pour expliquer ce qu'est le boson de Higgs. Alors ils savent pas très bien faire, et en tout cas ils n'expliquent pas toute l'histoire des arguments et des découvertes qui ont conduit un jour à ce que tout le monde soit d'accord pour dire que le boson de Higgs existe. Et si on n'a pas cette narration, alors leur discours ressemble à des discours d'autorité, ce qu'ils ne sont pas. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de distorsion de la perspective? Est-ce que finalement, ce doute vis-à-vis de la parole scientifique, comme vient de le dire Étienne Klein, cette complexité à comprendre le discours scientifique, elle n'est pas de tout temps, finalement? Je crois que la question est moins de comprendre les discours scientifiques que de comprendre les pratiques scientifiques. De comprendre les pratiques scientifiques, cela permet de voir, et peut-être que le public n'est pas assez informé des pratiques scientifiques et trop informé des discours. Parce que, au niveau des discours, les scientifiques, encore aujourd'hui, sont bien obligés de faire des promesses plus ou moins mirobolantes, que si on leur donne suffisamment d'argent, eh bien, on va guérir le cancer en moins de quelques temps. Voilà. Et puis, non, la pratique, c'est beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire que plus on avance dans la connaissance des mécanismes de cette maladie, on découvre d'abord qu'il n'y en a pas un, mais des milliers, enfin plusieurs, et que c'est plus compliqué, etc. Et que, finalement, on ne peut pas tenir ses promesses. Et si on regarde les pratiques scientifiques elles-mêmes, c'est-à-dire ce que font les chercheurs, et Étienne, qui a travaillé dans un laboratoire, est bien placé, mieux que moi, pour le savoir, eh bien, ce qu'ils font, c'est un travail constant de remise en doute de leurs connaissances, de s'interpeller entre eux pour faire ce qu'on appelle le jugement par les pairs. Et tout ce travail est un travail qui aboutit à des connaissances purement relatives. J'insiste là-dessus parce que il y a une confusion. On croit toujours que le relativisme est l'ennemi de la science, mais pas du tout. La science est relative. Auguste Comte n'a jamais dit que ça, et il est le fondateur du positivisme. Ce qui caractérise les activités et les pratiques scientifiques, c'est qu'elles aboutissent à des connaissances toujours relatives, historiquement construites et socialement construites. Étienne Claire, vous n'êtes pas d'accord? Non, je ne suis pas d'accord, parce que d'abord, relatif à quoi? L'argument des climato-sceptiques, c'était la science et le doute. Mais non, la science n'est pas le doute. Ce qui est le doute, c'est la recherche. Il y a des choses dont on est sûr. Et il y a des questions qu'on se pose. À propos des questions qu'on se pose, on fait de la recherche. Mais à propos de la Terre ronde, il n'y a pas de doute. Et c'est un résultat scientifique. L'atome existe, il n'y a pas de doute. Même si on continue à se poser des questions sur la structure du noyau, il y a des recherches. Mais l'existence de l'atome est une vérité parmi les plus certaines qui existent. Et donc, si vous dites la science est le doute, vous avez l'impression que tout discours scientifique mérite d'être entaché d'un scepticisme. Et c'est ça, ce relativisme-là, qui, à mon avis, est pernicieux. Il y a un philosophe britannique, je ne sais pas si j'ai le temps de donner son nom, bien sûr, qui s'appelle Bernard Williams, qui a écrit un livre il y a quelques années qui s'appelle « Véracité et vérité ». Et il analyse très bien la situation. Il dit, dans les sociétés comme les nôtres, disons post-modernes, il y a deux courants de pensée qui coexistent, qui sont contradictoires l'un avec l'autre et qui devraient donc s'annuler. Mais par un mécanisme pervers, ils se renforcent mutuellement. Le premier courant de pensée, c'est le désir de véracité. Nous sommes informés, nous sommes éduqués et donc nous ne voulons pas être dupes de discours tenus par des élites qui prétendraient avoir la vérité alors qu'en fait, elles disent ce qu'elles disent parce qu'elles ont intérêt à le dire. Et ce désir de véracité, il est parfaitement sain en démocratie. C'est le refus d'être trompé. Il peut aller jusqu'à la théorie du complot, évidemment, mais il est parfaitement sain. Et ce que montre Bernard Williams, c'est que, ironiquement, ce désir de véracité installe dans la société un esprit critique généralisé qui vient défaire l'idée qu'il y ait des vérités assurées. Dès qu'on tombe sur une vérité, on se demande, mais est-ce qu'elle n'est pas contextuelle? Est-ce qu'elle n'est pas relative? Est-ce qu'elle n'est pas éphémère? Etc. Et donc, l'idée de vérité est dissoute par l'exigence de véracité. Et si tout était relatif, il serait relatif que tout est relatif. Voilà, vous avez une demi-heure pour plancher là-dessus. Non, c'est intéressant parce que effectivement sur cette notion de véracité et de doute, on voit bien, pour prendre un exemple concret, par exemple autour de la théorie de l'évolution, que tout un mouvement de scepticisme vis-à-vis de la science pousse exactement dans le sens du relativisme absolu, c'est-à-dire la théorie de l'évolution est une théorie, donc elle est réfutable au titre de toutes les autres théories scientifiques. Or, c'est effectivement se méprendre peut-être Gérald Brunner sur la nature de ce qu'est aujourd'hui une théorie scientifique, la différence entre ce qu'est une théorie éprouvée et une hypothèse, pour le coup, relativiste. Oui, il y a une terrible confusion et surtout une instrumentalisation par un certain nombre de groupes dont on peut dire qu'ils sont crédules, croyants, qui ont un agenda finalement thématique à faire passer. Et dans le cas de la théorie de l'évolution, c'est souvent un agenda religieux, il ne faut pas l'oublier. C'est une des variables possibles. Parce qu'effectivement, le relativisme, c'est une position qui, en philosophie, considère qu'on ne peut pas démontrer qu'un énoncé est supérieur en description de vérité à un autre. Et donc, l'objectivisme naïf qu'on considère étant les atours naturels de la science et que la plupart du temps aucun scientifique ne revendique, serait de dire nous avons notre discours et l'expression de la pure vérité. Ça, c'est une question philosophique. Non, c'est pas ça que fait la science. Ce que fait la science, c'est produire des argumentaires qui peuvent être classés ordinalement. C'est-à-dire que certains argumentaires sont plus puissants descriptivement et explicativement que d'autres, ce qui est l'inverse du relativisme, mais ce qui autorise aussi l'idée qu'ils sont, on peut les améliorer. On peut les réfuter, sinon effectivement ce ne sont pas vraiment des énoncés scientifiques. Mais ça ne nous oblige pas du tout au relativisme. En d'autres termes, la Terre est plutôt ronde que plate. Mais en réalité, elle n'est pas vraiment ronde. Si on veut vraiment la décrire dans le détail, évidemment, on mettra un temps infini. Mais il faut révoquer très fermement le relativisme, parce que c'est une instrumentalisation de l'incomplétude de la connaissance, que de dire, ah ben dans ces conditions, tout est possible, et moi aussi j'ai le droit de contester du haut de mon pupitre informatique, je ne sais quel consensus scientifique, parce que ça arrange mes compulsions. Le gros problème sur la théorie de l'évolution que vous avez mentionné, c'est qu'effectivement, en France, nous n'étions pas tellement touchés, pour dire la vérité sur cette question. Aux États-Unis, on sait que c'est un mouvement de contestation très puissant, parce qu'il est adossé à des compulsions religieuses. Mais on voit en France, dans certaines catégories de classes de jeunes gens, et je pense en particulier à l'enquête de Sébastien Rocher, qu'il y a une majorité de jeunes gens qui déclarent ne pas croire en la théorie de l'évolution. Et la théorie de l'évolution, elle se confronte à deux problèmes. D'une part, les compulsions religieuses, je ne vais pas rentrer dans ce détail, mais elle se confronte aussi, et c'est de ça dont on doit sans doute aussi un peu parler ce matin, au fonctionnement ordinaire de notre cerveau. Cette théorie, elle est contre-intuitive. Parce que même quand on se déclare darwinien, on est en fait assez intuitivement finaliste. On a l'impression que la nature fait bien les choses, voyez. Pourquoi ? Bah, tout simplement parce qu'on ne voit pas la masse insondable des échecs de la nature. Et on ne voit à l'échelle temporelle que nous observons, une vie c'est une centaine d'années hein, dans le meilleur des cas, on ne voit donc qu'un segment qui est si bref qu'il ne permet pas de nous donner une idée rationnelle du fonctionnement de la sélection de la nature. D'où le génie de Darwin d'ailleurs, parce qu'il a vu intellectuellement des processus qui ne sont pas visibles à l'œil. Et c'est ça qui est beau dans la science, c'est quand elle remonte la pente naturelle que notre intuition descend. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous sommes dans une situation particulièrement périlleuse, parce qu'avec la structuration du marché de l'information, l'extraordinaire, et là c'est pas ironique de ma part, l'extraordinaire disponibilité de l'information, c'est formidable, sauf que, eh bien, la plupart du temps, les énoncés scientifiques sont quelquefois contre-intuitifs, nous croyons les comprendre, nous ne les comprenons pas toujours bien, et puis il y a des acteurs qui font en sorte qu'on les comprenne mal, hein, on en parlera peut-être, les promoteurs, enfin je veux dire les idéologues du danger, du risque. Eh bien, tout cela fait que ces propositions intellectuelles, elles se diffusent extrêmement vite. Hein, il y a un article dans Science qui a montré que sur Twitter, les fake news se diffusaient 6 fois plus vite que les vraies informations. Et d'autres collègues belges ont montré aussi qu'en plus, elles étaient mieux mémorisées. On est donc dans une tenaille véritablement problématique, parce qu'il n'est pas question de censurer l'information. Ce serait totalement antidémocratique. Mais il faudrait sans doute réfléchir à la façon dont on peut équiper les cerveaux, je sais qu'il y a des jeunes gens dans la salle ce matin dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, la façon de savoir comment on peut équiper les jeunes gens pédagogiquement pour qu'ils puissent faire leur déclaration d'indépendance mentale face à ces fausses intuitions. Un mot, une réaction justement sur cette question du relativisme et sur la responsabilité des scientifiques qui, à un moment donné, sous prétexte que effectivement ils étaient du côté du vrai, ils étaient dans la posture de ceux qui définissent le réel, ont balayé peut-être un peu trop rapidement des doutes qui pouvaient s'exprimer sur un certain nombre de questions sur lesquelles les citoyens pouvaient tout à fait exprimer effectivement une forme de défiance ou des interrogations, en tout cas, Bernadette Benson-Vincent. Il me semble que de dire que la connaissance scientifique est relative, ce n'est pas une insulte à l'égard de la science. C'est au contraire sa noblesse et sa force, parce qu'elle a justement la capacité de toujours se remettre en question. Si je veux avoir des connaissances absolues, je fais de la religion, ce qu'on disait tout à l'heure, ou de la métaphysique. Et à ce moment-là, je m'enferme dans un univers où toute personne qui refuse d'admettre mon point de vue, comme les créationnistes, ne peuvent pas discuter. Au contraire, une construction qui se fait de manière relative dans le dialogue et la remise en doute est toujours ouverte aux objections. Et c'est ça le grand risque de la science, et c'est ça qui fait que c'est intéressant. Et c'est ça qui fait que c'est ouvert, et il y a toujours un risque quand on fait de la science. C'est une aventure, un péril. La Terre est ronde, oui, mais on ne sait jamais un jour peut-être que quelqu'un, un Einstein nouveau, remettra cela en question. Hein. Et peut-être qu'il y aura des nouvelles, ça m'étonnerait. Hein. La probabilité... On a un certain nombre de faisceaux, d'indices la probabilité... qui nous indiquent que c'est peu probable. La probabilité est très faible. La probabilité est infiniment faible. Mais je veux dire que c'est ça qui est important, et que quand on regarde justement ce que je serais vraiment en mesure de recommander au public, c'est de regarder ces pratiques scientifiques et de comprendre l'aventure scientifique à partir des pratiques et des constructions du savoir. C'est ce qu'on fait, nous, en tant que philosophes. On étudie à quelles conditions un savoir devient légitime. à quelles conditions une vérité est admise et acceptée. Et effectivement, aujourd'hui, le problème, c'est que elles sont admises comme des vérités, des informations, tout simplement parce qu'elles ont eu plus de visites sur un site. Parce qu'il n'y a pas eu tout le passage par les épreuves qui permettent justement de construire des faits durs et têtus. Est-ce qu'il n'y a pas eu un peu une confusion, du coup, Étienne Klein, entre justement le paupérisme, c'est-à-dire la réfutabilité, dire finalement, comme vient de le dire Bernadette Benson-Vincent, tout est réfutable, y compris la Terre est ronde, et du coup, effectivement, une sorte de confusion autour de ce qu'est la réfutabilité en science? Oui, il y a souvent une confusion à propos de Popper. Il y a des étudiants qui contractent l'énoncé de Popper en disant une théorie scientifique, si elle peut être, une théorie est scientifique si elle peut être démontrée fausse, donc si elle est fausse. Donc ça crée en effet une ambiguïté. Moi, j'avais quand même une réaction à propos du relativisme. Cette idée que les scientifiques mettent en doute constamment ce qu'ils font laisse entendre qu'on ferait la révolution tous les lundis matins. Or, il faut interroger un fait tout simple. Si je parle de ma discipline, la physique, ça fait presque un siècle qu'on n'a pas fait la révolution. La physique quantique est née dans les années 20, ses principes s'énoncent dans les années 20, ils sont ceux de la physique d'aujourd'hui, pour au moins 3 des interactions sur 4. La relativité générale pour la gravitation, 1915. Quand on fait la cosmologie aujourd'hui, en 2018, on utilise les équations d'Einstein. On n'a pas fait de révolution depuis un siècle. On a recueilli des milliards et des milliards de données par les télescopes, les collisionneurs. Ça a occasionné des millions de découvertes. Aucune n'a remis en cause les principes dont je parle. Et donc, les uns ont permis de prédire les ondes gravitationnelles, détectées un siècle plus tard, les autres le boson de Higgs. Il faut interroger ça. C'est-à-dire, je dis pas que les théories sont vraies, évidemment, mais on ne peut comprendre leur efficacité que si elles ont quelque chose à voir avec quelque chose qui a à voir avec le réel. Sinon, il faudrait invoquer le miracle. Et dans cette espèce de relativisme absolu qu'on nous sert parfois, en fait, c'est une théorie du miracle qui nous fait penser qu'à chaque fois que ça marche, c'est un miracle qui se produit. Or, si ça marche, c'est sans doute qu'il y a une connexion entre la façon de décrire le réel physique et le réel physique lui-même. La deuxième chose, c'est le relativisme, tel qu'il est énoncé. Moi, j'en vois deux, il y en a. C'est comme le cholestérol, en fait. Il y a le bon, il y a le mauvais. Le bon, c'est celui qui nous fait penser que le contexte joue dans l'émergence des idées. Donc, en effet, si vous prenez Einstein en 1905, il est à l'Office des brevets à Berne, et on peut démontrer que le type de brevet qu'il examine, des brevets qui visent à synchroniser les horloges à distance, ont joué un rôle dans sa façon d'élaborer la théorie de la relativité restreinte en critiquant l'interprétation des équations de Maxwell. Le contexte a joué et il faut identifier comment, et ça c'est un travail scientifique tout à fait intéressant qui rompt avec l'idée que la science se construit parce qu'un génie succède à un autre génie. Maintenant, est-ce que la validité de la théorie d'Einstein dépend encore du contexte de son apparition? La réponse est non. La théorie de la relativité, elle fonctionne dans tous les secteurs de la physique. Le LHC ne marcherait pas. Le grand collisionneur de Hadron au CERN. Si les protons ne suivaient pas les équations de la relativité pour ce qui est de leur cinématique, etc. Et donc ce sont non pas des vérités, mais des choses tellement valides qu'on peut pas les mettre de côté. Il faut au contraire interroger le fait qu'elles marchent bien. Je voulais revenir sur ce qu'a dit Gérald à propos de l'information. Moi, ce que je perçois dans les réactions que je peux avoir ici ou là, c'est l'émergence de ce que j'appellerais un populisme scientifique. C'est-à-dire, on n'hésite plus à utiliser des arguments de bon sens pour critiquer ce que la science dit. Or, la science, elle s'est construite, je parle de la science moderne, contre le bon sens. Bachelard dit, faire de la science, c'est penser contre son cerveau. Tous les résultats de la science sont des résultats qui remettent en cause ce que nous pensons spontanément des phénomènes que nous observons. Nous voyons que les corps lourds tombent plus vite que les corps légers. Non, tous les corps tombent à la même vitesse dans le vide. Et Galilée a trouvé cette loi alors qu'on ne savait pas faire le vide. C'était même le sujet d'une intense controverse. Et donc la question, c'est comment a-t-il trouvé une loi qui explique les phénomènes tout en les contredisant? Et donc le bon sens vous permet de contredire toute la science. Et comme aujourd'hui, il y a quand même une relative remontée du narcissisme, chacun estime qu'il peut juger de par lui-même ce qu'il en est de la vérité scientifique. Gérald Bonner, sur une réaction à ce que vient de dire Étienne Klein, puis j'aimerais vraiment vous entendre après sur la responsabilité ou non des scientifiques dans cette défiance que l'on peut constater aujourd'hui. Non, ben, je ne peux être que d'accord avec tout ce que vient de dire Étienne, là, en l'occurrence. Donc, je ne vais pas répéter, je le ferai moins bien du reste. Mais effectivement, il y a ce phénomène, et ça va me permettre de répondre concernant la responsabilité éventuelle des scientifiques sur ces questions que j'appelle la démagogie cognitive du marché et de l'information. C'est-à-dire le fait que le marché de l'information, ses acteurs, proposent des informations qui aillent dans le sens des attentes intuitives de notre cerveau, de nous tous, quoi. Parce que c'est un marché qui est devenu ultra concurrentiel. C'est pourquoi j'insiste. Là, par exemple, les alertes, les peurs se diffusent beaucoup plus vite que d'autres types de produits concurrentiels, quelquefois à raison et quelquefois à tort. Tout cela manque un peu de rationalité précisément parce que notre cerveau n'est pas fait pour bien concevoir les probabilités et le risque, pour des raisons qui sont très anciennes. Par exemple, si je vous présente 10 000 visages ou 1 000 visages sur un tableau, il y en a qui sourient, il y en a qui sont tristes, le premier que vous allez voir probablement, et nous tous, hein, ça a été testé expérimentalement, c'est le visage en colère. Pourquoi ? Parce que le visage en colère représente un danger, un risque potentiel. Et c'est probablement, disons, une disposition intellectuelle que nous avons développée en un temps lointain où nous vivions dans un monde hostile et où, par exemple, surestimer les faibles probabilités de risque a permis sans doute à nos ancêtres de survivre. De sorte qu'en quelque sorte, nous sommes peut-être les descendants des peureux. Mais ça, c'était pas grave. Au moment où le risque, en fait, était omniprésent, mais en même temps assez rare. Le fait de surestimer le risque, c'était pas rare. Mais sur un marché de l'information où le risque est mis en scène de façon permanente, eh bien, évidemment, nos dispositions à surestimer les faibles probabilités, nos dispositions à avoir plus de conception pour les coûts d'une innovation technologique plutôt que pour ses bénéfices, le fait de focaliser notre attention sur les coûts de notre action, mais jamais sur les coûts de notre inaction, bien sont des choses qui peuvent expliquer pourquoi, d'une certaine façon, la méfiance vis-à-vis des vaccins, puisqu'on peut parler d'une technologie sanitaire, est de plus en plus saillante. Et toujours avec des arguments. On n'a pas du tout affaire à des imbéciles qui se recroquevillent sur des peurs irrationnelles. Le problème, c'est que c'est très argumenté. Et donc, quelle est la part de responsabilité des scientifiques sur cette question? Je dirais que la première, et je ne leur jette pas la pierre du tout, c'est sans doute d'avoir sous-estimé le risque pendant longtemps. C'est-à-dire que c'est vrai, il faut bien reconnaître que quelqu'un qui produit de la science, ça prend beaucoup de temps d'être dans son labo, etc. On n'a pas que ça à faire qu'aller faire de la diffusion de la connaissance. Et en plus, c'était des choses qui étaient sanctionnées institutionnellement, et en tout cas, vous n'étiez pas récompensé, n'est-ce pas? On laissait ça pour les prix Nobel, éventuellement, etc. La deuxième chose, c'est que en même temps, évidemment, les scientifiques sont ce qu'ils sont. Il y a des gens vertueux et puis il y a des gens qui sont corrompus. Donc il y a toute une série d'histoires très malheureuses. On pense notamment à l'industrie du tabac où des scientifiques se sont mis au service d'intérêts industriels qu'il faut fermement dénoncer. Il y a cette question-là. Et puis toute une série, on va pas en faire la collection d'affaires où effectivement la technologie, il faut pas l'oublier, nous sommes capables de nous autodétruire. Il est donc tout à fait normal que nous essayons de penser rationnellement les conséquences possibles de notre action. Mais avoir une attention pour les conséquences possibles de notre action, ça ne veut pas dire être aveugle aux conséquences de notre inaction. Il y a une asymétrie fondamentale, à mon avis, y compris dans le principe de précaution, qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société d'hypocondriaque permanent, n'est-ce pas, où face à notre assiette, on souhaite plutôt bonne chance que bon appétit, ce qui constitue quand même un problème. Bernadette Benzot-Vincent, sur la responsabilité des scientifiques, et puis j'aimerais aussi vous entendre sur la notion aujourd'hui de doute vis-à-vis du discours scientifique, parce que c'est vrai qu'on pense souvent en disant, ben oui, finalement, les gens qui doutent, ce sont ces gens loin de nous, ces gens qui n'ont pas de culture scientifique. On a tendance à se dire nous et les autres, alors que finalement, si on prend des exemples concrets, par exemple sur le doute autour des vaccins, est-ce que douter par exemple des vaccins, ça fait de moi quelqu'un de sceptique, ça fait de moi quelqu'un qui n'a plus confiance en la science, ou douter d'une version officielle autour des attentats du 11 septembre par exemple, ou de la mort du président Kennedy, est-ce que ce doute-là qui a été instillé, est-ce que c'est une victoire justement de l'obscurantisme, ou est-ce que c'est un doute qui a été là aussi peut-être trop vite balayé en disant non, non, nous avons la vérité, nous sommes les scientifiques, si vous doutez, c'est donc que vous êtes un crétin. Oui, je pense que ça remonte encore à cette idée que la vérité scientifique produit des certitudes. Et il me semble que c'est de la responsabilité des scientifiques, premièrement de mieux connaître le public et de pas commencer toujours par dire c'est la faute au public qui comprend pas ou qui a le cerveau fait de telle façon et qui croit toujours ce qu'on lui dit. Quelle est la légitimité de telle explication ? Deuxièmement, est-ce que c'est pas la responsabilité des scientifiques justement d'admettre que plus la connaissance avance, plus paradoxalement, on sait qu'on ne sait pas. Et on voit l'étendue d'incertitude. Je prends des exemples très concrets. On a fait des grandes avancées. Une des plus grandes avancées du XXe siècle, ça a été la mise au point des antibiotiques fondée sur les connaissances de la microbiologie. Et on ne pouvait pas prévoir que l'utilisation, enfin peut-être certains l'avaient prévu en fait, mais on les ressort maintenant, que l'utilisation massive de ce bienfait qui a augmenté la population de la Terre allait provoquer des résistances. Et pareil, la résistance aux pesticides aujourd'hui, qui font que on est dans cette idée que plus on avance, plus on découvre qu'il y a des incertitudes et qu'il y a des effets collatéraux. Pourquoi ? Parce que plus on avance, plus les phénomènes sont complexes. Plus il y a des effets de seuil, des effets multifactoriels, et c'est précisément ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'on est sorti de la causalité purement mécanique, un gène, une fonction, par exemple, en biologie. Non, on sait aujourd'hui qu'il y a non seulement des gènes, mais que l'expression des gènes passe par de l'épigénétique, c'est-à-dire des phénomènes qui sont liés au milieu, etc. Et que c'est beaucoup plus complexe que ça. Et c'est cette reconnaissance de l'humilité de la connaissance scientifique. Du point de vue moral, c'est l'humilité de la connaissance scientifique. En plus, les résultats que l'on obtient en laboratoire ne sont pas toujours transposables, en plein champ si je peux dire, dans un milieu ouvert, où il y a beaucoup plus de facteurs qui interviennent autour et qui peuvent changer les propriétés de la molécule qu'on a mise en vente dans l'environnement. Peut-être un mot, Étienne Klein, à ce propos. C'est vrai qu'on dit souvent que au fil du XXe siècle, la science s'est complexifiée de plus en plus. C'est la semaine des prix Nobel. On voit aujourd'hui que quand les prix Nobel sont décernés, le travail de vulgarisation est extrêmement compliqué. C'est-à-dire que expliquer aujourd'hui un prix Nobel, ça prend beaucoup de temps, c'est très complexe. Est-ce que cette complexification, c'est une des raisons de la déconnexion ? Ça devient de plus en plus compliqué d'expliquer la science aux citoyens ? Oui, sans doute. En effet, c'est de plus en plus compliqué et il faut du temps pour expliquer, par exemple, ce qui a valu à certains physiciens d'avoir le prix Nobel cette année. Mais nos sociétés revendiquent le droit de savoir. Et le problème que nous avons, c'est comment convertir le droit de savoir, qui est légitime, en désir de connaître. Est-ce que nous voulons vraiment comprendre pourquoi ils ont le prix Nobel ? Et si la réponse est non, alors l'affaire est réglée. Maintenant, dans ce que vous dites, Bernadette, il y a quelque chose que j'entends comme une contradiction. Vous dites la science ne produit pas de certitude. Et après, vous dites, mais maintenant on sait bien que. Ça me semble être une contradiction. Il y a des choses qu'on sait, justement. On ne sait pas tout. Le fait de savoir des choses pose de nouvelles questions. Et là-dessus, il n'y a rien de vraiment nouveau. Il y a une conférence qui a été donnée par Einstein à Princeton en 1939. Il avait été invité à parler de la responsabilité du scientifique à l'Institut de théologie de Princeton. Et Einstein fait une conférence admirable et il conclut en disant « Il n'existe pas de chemin qui aille de la connaissance de ce qui est à la connaissance de ce qui doit être. » Et donc la science produit des connaissances, mais elle produit aussi une forme d'ignorance qui est qu'elle ne nous dit pas ce que nous devons faire des possibilités que nous donnent nos connaissances. Et ça, il faut le discuter avec le public, avec les citoyens. La science nous dit comment faire une centrale nucléaire, comment faire des OGM. Elle ne nous dit pas, vous devez faire des centrales nucléaires. Et donc, qui décide ? Pendant longtemps, le principe de progrès, qui est une idéologie, a servi d'arbitre. Par principe, il fallait faire ce que la science permet de faire. Aujourd'hui, le mot progrès, d'ailleurs Gérald l'a montré dans une étude par laquelle il a compté l'occurrence du mot progrès dans les discours publics, il a montré que le mot progrès a disparu des discours publics. Il a été remplacé par le mot innovation. On pourrait dire c'est presque synonyme de progrès, ça change rien. Sauf que quand on regarde les rhétoriques, on voit que notre rhétorique sur l'innovation ne rend pas justice à l'idée de progrès. Pour le faire court, l'idée de progrès s'appuie sur l'idée d'un temps constructeur. Le temps est complice de notre liberté, de notre volonté. On configure le futur d'une façon crédible et attractive. Et on fait les sacrifices pour faire advenir pour nos enfants ce futur que nous avons configuré à l'avance. Ça suppose donc une philosophie de l'histoire. Quand on regarde la rhétorique de l'innovation, c'est tout l'inverse. On nous dit il y a des défis, le temps abîme les choses, dégrade les situations, et il faut innover pour maintenir le monde. Donc l'innovation, c'est ce qu'il faut faire pour empêcher que le monde se défasse. Ce qui est un discours complètement inversé, qui s'appuie sur l'idée que c'est l'état critique du présent qui doit déterminer nos actions, et non pas une certaine idée que nous avons du futur. Et du coup, ça change complètement la façon dont le discours scientifique est entendu. Il faut une configuration du futur crédible et attractive, j'ai dit. Crédible, parce qu'avant, elle était scientifique, donc on croyait. Et c'était la science qui donnait le tempo. Aujourd'hui, quand les scientifiques parlent du futur, biodiversité, énergie, changement climatique, c'est un discours qui laisse entendre qu'on va vers des catastrophes. Autrement dit, aujourd'hui, quand le discours est crédible, il n'est plus attractif. Et quand il est attractif, il est plus crédible. De sorte que la science a du mal à trouver la bonne tonalité dans ce contexte. C'est intéressant, cette bascule entre progrès et innovation. C'est peut-être aussi d'autant plus intéressant, Gérald Bronner, que le progrès a été assimilé à une idéologie et non plus juste à une façon d'envisager, de construire le futur de façon scientifique. Mais c'est une idéologie, hein, c'est une représentation du temps. Hein. Encore une fois, l'idée que demain sera supérieur à aujourd'hui et qu'aujourd'hui était supérieur à demain, c'est une représentation mentale du temps, mais en effet, elle est dynamogène. Elle a au moins cet avantage d'avoir envie de se réveiller demain, éventuellement. Et notamment, elle réenchante le risque d'une certaine façon. Ce qui est tout à fait tangible, même superficiellement, c'est que quand on observe ne serait-ce que nos fictions, les séries télé ou les films qui sont des films d'anticipation, par exemple, qui nous parlent de l'avenir, ce sont généralement des films apocalyptiques ou post-apocalyptiques, en raison des actions inconséquentes de l'homme, apprenti sorcier, diffusant des virus, par exemple, etc., etc. Bon, je ne veux pas dire que ces craintes soient totalement infondées, qu'il ne faut pas les observer sérieusement. Ce que je veux dire, c'est que nous sommes dans un autre imaginaire, manifestement. Et d'ailleurs, une vaste enquête internationale vient de paraître, montre que la plupart des pays, dans la plupart des pays, les citoyens sont relativement aveugles quant au progrès objectif que permettent les sociétés contemporaines. Par exemple, la baisse de la mortalité infantile, la diminution drastique de l'extrême pauvreté dans le monde, etc. sont des données tout à fait objectives, mais qui sont, totalement ignorées de la plupart de nos concitoyens. Donc on voit qu'on est dans un autre type de narration. On est dans une narration effectivement de la crainte. On regarde le demain avec un peu la peur au ventre. Et je me demande parfois si on n'a pas mis le balancier un peu trop fort, quoi. Autant il est nécessaire, évidemment, de maintenant d'avoir, un juste regard sur les conséquences de notre action. Grosso modo, on est passé d'une philosophie générale aux origines de l'humanité, de la soumission à la nature. Puis, on est passé à une philosophie de la domination de la nature, soumission, domination, hein, c'est des pratiques un peu particulières. Et puis, on serait passé dans le registre maintenant de la précaution. Voilà. Soumission, domination, précaution. Cette précaution, elle s'adresse avant tout aux actes possibles de l'homme. Et ça se transmute de temps en temps, de façon idéologique aussi, en une forme d'anthropophobie, une détestation de l'homme. Mais ça a des conséquences tout à fait tangibles, parce qu'on pourrait discuter de ces philosophies. Une de ces conséquences, c'est notre incapacité manifeste, et beaucoup de philosophes d'ailleurs réfléchissent à cette question, à prendre au sérieux vraiment des choses que l'on croit. Comme par exemple le réchauffement climatique qui nécessiterait toute une série de dispositions, mais apparemment ce qu'on observe, c'est plutôt une apathie, non seulement de nos gouvernants d'une certaine façon, mais aussi des citoyens. Et on se demande pourquoi. Il y a plein d'excellentes raisons qui ont été données à cela, mais j'en ajouterai une qui n'est pas contradictoire avec les autres. C'est que quand il y a une profusion sur un marché de choses à acheter, on sait que ça suspend l'acte d'achat. C'est Gerd Gegerhanser, un spécialiste de la représentation du risque, qui rappelle une expérience avec des pots de confiture. Vous êtes dans un magasin, il y a 20 pots de confiture, puis un autre stand où il n'y en a que 4. Et en fait, la plupart des gens vont aller vers le stand où il y a 20 pots de confiture, mais ils n'achèteront rien. Et ceux qui iront vers le stand avec 4 pots de confiture, eh bien, pourront décider d'une certaine façon, ne seront pas sidérés par la multiplication des offres. Eh bien, je dis que le marché de la peur aujourd'hui multiplie tellement les offres que ça crée un sentiment d'insécurité permanent et une incapacité d'agir vis-à-vis du moindre de ces risques. C'est un problème. Bernadette Bensoud-Vincent. Oui, pour continuer sur cette fin de la croyance au progrès, qui était effectivement une croyance, c'est la croyance profonde des sociétés modernes qui a accompagné le développement de la science moderne. En particulier au XVIIIe siècle, on a vu émerger cette idée que le progrès de l'humanité consistait à s'émanciper de plus en plus des déterminismes naturels, jusqu'au contrat social qui est complètement coupé de la nature et éloigné de la nature. Et donc il y a deux secteurs, le secteur de la nature d'un côté, dont on doit se rendre comme maître et possesseur, disait Descartes. Et de l'autre côté, le domaine de la culture, dans lequel on progresse grâce à l'éducation. Or, ce partage-là est profondément remis en question aujourd'hui. Il est profondément remis en question. Vous évoquiez tout à l'heure cette espèce de discours aujourd'hui qu'on appelle de collapsologie, hein, ou d'effondrement, à savoir qui est lié à cette nouvelle idée de l'anthropocène, à savoir une ère géologique dans laquelle les humains et les techniques humaines ont atteint le niveau des forces géologiques. Donc l'humain est devenu un facteur géologique. Eh bien, ça a entraîné tout un discours aujourd'hui extrêmement attirant et qui attire beaucoup les jeunes, et ça c'est effectivement alarmant, qui est un discours d'effondrement, tout est foutu, on va vers la fin de l'humanité, parce que la planète, elle, survivra, mais on va vers la fin de l'humanité, etc. Et ça, c'est effectivement quelque chose qui doit nous interpeller, et c'est simplement le renversement de l'idée de progrès. On a changé la direction de la flèche du progrès. Elle allait vers le mieux, maintenant elle va vers le plus mal. Mais on n'a pas repensé le temps. Et s'il y a une tâche urgente à faire aujourd'hui, c'est à la lumière de toutes les sciences. Parce que justement, dans toutes les sciences, il n'y a pas une seule vision du temps. Il y a des visions du temps différentes dans la physique, dans la biologie, dans la géologie, etc. Et peut-être que repenser ces notions de temps, c'est une tâche urgente. Et est-ce que on n'est pas finalement un peu face à cette injonction contradictoire qui est que quand on observe aujourd'hui la marche des sciences, ce qu'on voit notamment par exemple en faisant cette mission qui est la méthode scientifique, on est face à cette double injonction qui est que à la fois le futur est maintenant, c'est-à-dire qu'on est à un état de complexité dans la compréhension du réel et dans ce que nous sommes capables de faire. On peut parler de l'ordinateur quantique, enfin de l'extrême technicisation, voilà. Et en même temps, cette injection immédiatement inverse, qui est oui, le futur c'est maintenant, mais on va tous crever demain. Étienne Klein. Oui, on a fait une contradiction dans les discours. Moi, j'ai l'impression que le futur s'est absenté de nos discours publics. On manque d'une configuration. On ne sait pas dire ce que nous voulons. Et je pense que la difficulté, c'est de trouver un moyen de dire l'avenir que nous voulons en tenant compte de ce que nous savons et sans le laisser de côté. Et c'est ça qui me semble difficile. Dans l'idée de progrès, il y a l'idée qu'on se place dans le futur et on regarde ce qu'on veut. Et aujourd'hui, cette tâche-là est en partie impossible par le fait que nous avons compris que par des boucles de rétroaction, ce qui va nous arriver dépend en partie de ce que nous allons faire. Et nous ne pouvons pas savoir à l'avance ce que nous allons faire. Du coup, l'avenir est laissé en jachère intellectuelle, je dirais même en déshérence libidinale. Je connais peu de gens qui ont envie d'être demain matin en 2050. Et donc, ça fait que nous sommes orphelins des philosophies de l'histoire et ça nous rend incapables de nous projeter. Maintenant, on peut regarder dans l'autre sens. Je connais peu de gens parmi nous qui supporterait d'aller chez le dentiste en 1920, en connaissant la suite de l'histoire, c'est-à-dire en ayant été chez le dentiste aujourd'hui. D'accord ? Donc il faut tenir les deux termes du balancier. D'une façon, moi je dirais que nous sommes embarqués. C'est Blaise Pascal qui, dont la statue est là au-dessus de nous, qui l'avait dit, nous sommes embarqués. Donc nous devons faire avec ce que nous sommes, avec la nature, avec ce que nous savons, du mieux possible. Mais l'idée que on pourrait avoir une position de surplomb qui nous permettrait de savoir quel est le sens de l'histoire vraiment, ça me paraît une utopie à laquelle il faut renoncer. Une question peut-être aussi, pour revenir sur la question de la responsabilité ou non des scientifiques. Vous l'avez abordé un peu chacun à votre manière. Est-ce que le déroulé de la marche des sciences du XXe siècle, c'est aussi un moment où ces scientifiques qui promettent et qui un avenir immédiatement meilleur, qui permettent d'augmenter l'espérance de vie, qui apportent le progrès technique, l'électricité, se mutent au XXe siècle à la fois en pourvoyeur de mort, la Première Guerre mondiale, les progrès de la chimie, la bombe atomique, les médecins nazis, et en même temps en vendus au grand capital, les laboratoires pharmaceutiques, le profit à tout prix. Est-ce que le scientifique s'est fourvoyé, et l'image du scientifique en tout cas, s'est fourvoyé dans ces deux voies au XXe siècle, selon vous, Gérald Bronner ? En tout cas, elle a été extrêmement affectée, et pour encore une fois, pour d'excellentes raisons. Nos concitoyens ne sont pas devenus fous. Ils ont toujours des raisons de croire ce qu'ils croient, et la corruption est un élément qui est l'élément le plus répandu du monde. Ce serait très étrange que tout à coup les scientifiques ne soient pas ici ou là, disons, touchés par ce phénomène. Mais il y a quand même aussi une mise en scène narrative catastrophique, dramatique. Que ça soit d'ailleurs, les scientifiques ne sont pas les seuls à être touchés par cette question. Vous êtes journaliste, vous en savez quelque chose, vous faites partie d'une des professions les plus détestées de toutes les démocraties, et que dire des politiques. Donc en fait, c'est un phénomène qui est bien plus large en réalité. C'est ce que j'ai appelé la démocratie des crédules, très exactement. Nous sommes en démocratie, mais dans une démocratie, l'information est quasiment le nerf de la guerre d'une démocratie. Donc ce que je crois qu'on peut faire de mieux, il n'est pas question aujourd'hui, ce serait absurde de dire ce sont les scientifiques qui font de la science, les autres, vous autres citoyens, vous nous faites confiance et puis taisez-vous. C'est devenu, même si on trouverait ça désirable à la limite, ce qui n'est pas mon cas, c'est en tout cas totalement indicible. Alors ce qu'on peut faire de mieux, je crois, pour avancer ensemble, je suis pas moi trop déçu qu'il n'y ait plus de philosophie de l'histoire de type progressisme ou au contraire décadence, qui est une autre philosophie de l'histoire, etc. Je pense que ce sont souvent des représentations du temps assez dangereuses. Il est peut-être venu un temps de la maturité temporelle et nous dire comme Nietzsche, laissez venir à nous le hasard, mais essayons de raisonner le plus rationnellement possible. Mais pour le faire, c'est pas tant sur les objets de la science que nous devons concentrer notre intérêt, parce qu'en effet, la science est tellement diversifiée, il y a une telle arborescence, une telle spécialisation, que ces objets ne suscitent pas forcément l'intérêt qu'elles mériteraient pourtant. En revanche, et je vais rendre hommage au titre de votre émission, je crois que ce que nous pouvons faire, ce que nous devons faire, en particulier pour les jeunes esprits, c'est devenu un impératif au moment de la démocratie des crédules, c'est de développer la méthode scientifique, les ressources pour chacun, par exemple de maîtriser la base des statistiques. Je regrette, on peut pas parler de santé publique si on ne connaît pas un tout petit peu de statistiques, ou alors on dit n'importe quoi. Il y en a qui en écrivent des livres d'ailleurs, hein. Mais c'est tout à fait confondant, si vous voulez. Ça crée un dommage terrible, parce que oui, il y a l'illettrisme, ça existe, mais il y a aussi de l'innumérisme, c'est-à-dire voilà une incapacité à comprendre bien des chiffres, pas parce que nous sommes bêtes, mais parce que peut-être que l'éducation nationale n'a pas encore mis les moyens, elle doit le faire pour développer la vraie pensée critique, le vrai esprit critique. C'est la façon la moins liberticide, justement, de régler le problème, que chaque individu soit un peu plus autonome face à cet océan d'informations, qu'il ait une boussole qui indique le nord. Et à mon avis, cette boussole, c'est la méthode scientifique. Bernard Benzot-Vincent, sur ce que vient de dire Gérald Brunner, mais aussi sur le fait que la crédibilité scientifique ait été affectée par l'histoire du XXe siècle que je décrivais tout à l'heure. Oui, je dirais que moi, je ne crois pas à la méthode scientifique, parce que j'ai étudié plusieurs sciences et je suis absolument frappée par le fait que les façons d'établir une vérité, de faire preuve, varient beaucoup suivant les disciplines. Elle n'est pas la même en chimie, elle n'est pas la même en biologie, elle n'est pas la même en géologie. Et donc, j'aurais un conseil à donner, c'est au contraire regarder les objets du savoir, regarder les pratiques scientifiques, et il n'y a pas une méthode miracle qui va permettre de faire la démarcation entre ce qui est science et ce qui est croyance. Cette démarcation, elle se construit chaque jour dans le local des disciplines, et elle est à étudier parce qu'on a besoin de ces faits durs que construit la science. Peut-être aussi, on en parlait juste avant de venir ici, une question autour de la contamination de la méthode scientifique par l'idéologie. Puisque on attend, on espère tous collectivement de la science qu'elle discrimine le vrai du faux, qu'elle nous indique, qu'elle nous ouvre les portes vers l'avenir. Aujourd'hui, cette semaine a été marquée par une affaire de 3 scientifiques qui ont monté de toutes pièces un canular, c'est-à-dire qui ont envoyé un certain nombre de revues à comité de lecture, des papiers bidons. Et pour démontrer quoi ? Pour démontrer que un certain champ de la science, qu'on appelle les cultural studies, était complètement miné par l'idéologie. Et donc, ces papiers bidons ont été acceptés par certaines revues, pas par toutes, avec des thèmes aussi grotesques que réaction humaine à la culture du viol et performativité queer au sein des parcs à chiens de Portland, Oregon, qui est pour montrer qu'il y a une culture du viol chez les chiens, ou passer par la porte de derrière, défier l'homo-hystérie masculine, la transphobie à travers l'usage de sextoys pénétratifs, ou montrer comment on pourrait lutter par contre la transphobie en s'introduisant des sextoys dans l'anus. Voilà, ça fait rire évidemment tout le monde, sauf que c'est... on va pas rentrer dans ce type de détails-là, mais néanmoins, est-ce que ça montre pas qu'effectivement, il y a un problème d'un certain champ scientifique qui est contaminé par l'idéologie et qui donc perd de sa crédibilité aux yeux du grand public qui attend de la science un discours objectif ou objectiviste, Étienne Klein? Là, vous donnez des exemples qui viennent des sciences sociales. Il y a un problème d'évaluation générale en sciences. Les chercheurs doivent évaluer, ils font partie des référies. Il y a trop d'articles et la rigueur qui devrait s'imposer dans tous les cas n'est pas toujours au rendez-vous. Je vous interromps juste un instant, ouais. Parce que oui, c'est vrai pour les sciences sociales, mais par exemple sur le hématoscepticisme, c'est exactement le discours de dire c'est une idéologie, la menace climatique est une idéologie et qu'il faut contrer. Donc ça, c'est aussi vrai pour les sciences mais de la Terre. Mais on peut remarquer qu'on ne l'a pas dit pour le boson de Higgs. Je n'ai pas vu le lendemain de la découverte sortir dans les librairies des livres dont le titre serait « Ma vérité sur le boson de Higgs ». Et donc, quand ça touche des intérêts autres que la seule connaissance, on voit se développer en effet des idéologies qui viennent contester ce que disent les scientifiques. Et ça, c'est en effet un souci. Maintenant, vous parliez du XXe siècle, la Deuxième Guerre mondiale, Hiroshima, mais il y a la Première Guerre mondiale, qui pour moi est le moment où la technique se retourne contre l'homme. De façon massive. Il y a un texte de Drieu La Rochelle, c'est un auteur qu'on cite rarement, mais il parle de la bataille de la Somme et dit que ses camarades qui tombent déchiquetés par des balles de mitrailleuse ou par des obus tirés par des canons sont victimes de vieux calculs oubliés. L'idée qu'un jour un ingénieur a conçu ces instruments qui déciment des bataillons. Je pense que la Première Guerre mondiale, c'est la guerre qui coupe l'histoire en deux, en quelque sorte. La Seconde ne fait qu'accentuer la chose, mais le pli est déjà pris, d'une certaine façon. Maintenant, la responsabilité du scientifique, il faudrait que les scientifiques cessent de faire des promesses. Mais est-ce qu'on leur donnerait de l'argent s'ils faisaient pas de promesses? Autrement dit, est-ce qu'on s'intéresse vraiment à leurs connaissances et non pas aux conséquences de leurs connaissances? Si on leur donnait de l'argent pour des recherches fondamentales qui n'aient aucune application, je suis à peu près sûr que on les traiterait de danseuses de la République. Donc il faut tenir compte de ça aussi. La science, elle n'est pas aussi facilement jules-vernisable que du temps de Jules Verne. Donc il faut s'adapter à cette nouvelle contrainte. Maintenant, la méthode scientifique, évidemment, il n'y en a pas qu'une. Chaque discipline a son propre champ. Mais je pense que quand même, on peut, par la pédagogie, expliquer dans certains cas comment la méthode scientifique a permis d'obtenir des connaissances. Je recite Blaise Pascal qui est là. Tout le monde autour de moi pense que quand on prend une paille pour aspirer du jus d'orange, en fait, c'est parce que la nature a horreur du vide et le liquide s'accroche à l'air qu'on aspire et c'est ça qui le fait monter. Tout le monde pense ça. C'est Blaise Pascal et Torricelli un peu avant lui qui a démontré que pas du tout. C'est le poids de l'air sur la surface du liquide qui fait monter dans l'autre sens le liquide dans la paille parce qu'on a créé une dépression dans la paille. D'accord ? Et on peut démontrer comment ça s'est passé. Comment Pascal a dû lutter contre les jésuites, qui pensaient que Dieu ne pouvait pas avoir créé le vide, etc. Et là, la méthode scientifique a fini par s'imposer. Ensuite, on a découvert que le vide en question n'est pas complètement vide, il y a des atomes dedans qui restent, etc. C'est comme ça qu'on avance. Mais la méthode a payé, et elle a été démonstrative. Et donc, moi, je pense que la responsabilité des scientifiques, c'est quand ils annoncent un résultat, y compris un résultat très ancien, ils expliquent comment on a su ce qu'on sait. Et si on ne dit pas comment, alors on tombe dans l'idée que les connaissances sont presque l'équivalent des croyances. Gérald Brunner, sur cette question de l'idéologisation de la science qui vient finalement lutter contre ce qu'on peut attendre d'elle, c'est-à-dire un propos objectif sur le réel. Oui, c'est une plaie qui trappe d'ailleurs, qui caractérise pas seulement les sciences sociales. À partir du moment où c'est quoi l'idéologie dans le fond ? L'idéologie, c'est la volonté de plier la catégorie du vrai et du faux à l'idée qu'on se fait du bien et du mal. Et pour ça, on peut truander des résultats, ou alors on peut faire du cherry picking, c'est-à-dire qu'on va chercher seulement des valeurs de la variable qui vont dans le sens de l'attendu. Mais c'est arrivé, par exemple, en biologie, l'affaire Lysenko, qui est bien connue, hein, était une émanation aussi de l'idéologie. Et il est vrai qu'une partie, faut le rappeler seulement, une seule partie des sciences sociales produit des résultats qui ne sont pas testables selon les méthodes scientifiques habituelles. Alors il a été dit qu'il n'existe pas une méthode scientifique, évidemment, sinon on aurait le manuel. Mais il ne faut pas confondre monde, le fait d'user dans certaines disciplines d'outils d'observation du réel différents, et le fait que la plupart des disciplines se confrontent par exemple à l'idée de la constitution d'un échantillon témoin. Vous voyez, ça c'est un, ça c'est des invariants. Le fait qu'on mesure la part de la variance par des tests statistiques, que ce soit en épidémiologie ou en sociologie, par exemple, pour savoir quelle est la part d'une variable dans un phénomène très multivariable, il faut utiliser des outils statistiques qui sont les mêmes. Eh bien, je pense que si on avançait justement, comme le dit Étienne, sur le comment du processus plutôt seulement que sur les objets à titre anecdotique, c'est-à-dire en fin de compte faire de l'épistémologie et de la méthode, je pense qu'il faudrait produire cela massivement aujourd'hui et peut-être que nous serions tous un peu mieux en mesure d'évaluer les informations sous lesquelles on croule, voilà, et qui nous intéressent à juste titre. Un mot de conclusion puisqu'on arrive à l'issue de cette table ronde. Aujourd'hui, je vais vous poser une question impossible. En quelques mots, une solution pour réconcilier. Que faut-il faire aujourd'hui pour redonner foi dans le discours scientifique et pour réduire la part, appelons ça d'obscurantisme, de doute, d'interrogation, de complotisme, Bernadette Benson-Vincent. Qu'est-ce qu'il faut recommander non seulement au public de s'intéresser à la science? Je pense que on a mis l'accent sur la notion d'intérêt, d'avoir la curiosité de la science, mais aussi recommander aux scientifiques de s'intéresser au public. Étienne Klein. Bah écoutez, moi je vais vous décevoir, mais je vois pas vraiment de solution à court terme. Je vois que la vulgarisation à laquelle j'ai participé, ça marche pas bien. Il y a une sorte d'échec de la vulgarisation. Et en ce moment, je réfléchis au bon moyen de faire en sorte que les connaissances soient diffusées sans être trop déformées. J'observe que souvent, nous avons tendance à considérer vraies les idées que nous aimons. Charles Brunner. Très rapidement, parce qu'il y a il y aurait beaucoup de solutions possibles. La première, dont on n'a pas du tout parlé, c'est ce serait déjà que chacun, sur son propre domaine de compétences, occupe tout l'espace laissé libre sur ce marché de l'information. Parce que le problème, c'est que les minorités actives, là, c'est un certain nombre de crédules, sont extrêmement, parlent très fort. C'est une drôle de démocratie où certains votent 1000 fois, tandis que d'autres ne votent jamais. Et cette asymétrie de motivation, elle explique déjà une asymétrie de visibilité de certains points de vue sur Internet. Première chose. Deuxième chose, je vais pas revenir là-dessus, je pense qu'il y a un problème d'éducation nationale très important. Et puis ensuite, troisième élément, qui est celui de la disposition de l'information. C'est-à-dire, on a tendance à dire que si on fait quelque chose pour réguler ce marché de l'information, ça va être liberticide, mais d'un autre côté, si on ne fait rien, c'est extrêmement liberticide aussi. Donc, il faut mettre du politique là-dedans, de la régulation, ça ne veut pas dire forcément des lois, pas très favorable à la loi fake news, là, qui a été proposée. Mais, par contre, il est certain que ceux qu'on appelle les GAFA ont une responsabilité terrible qui pèse sur leurs épaules, et il faut qu'ils l'assument, je crois qu'ils commencent à essayer de l'assumer, d'ailleurs, sont des régulateurs. La vraie question, c'est de savoir pourquoi eux, puisqu'ils ne sont élus par personne, ils n'ont pas de légitimité politique pour le faire, donc c'est une vraie question politique. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Bernadette Benson-Vincent. Merci Gérald Brunner. Merci Étienne Klein. C'était donc le premier forum Les Idées Claires, enregistré en public dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne la semaine dernière. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique qui m'a aidé, comme chaque jour, à préparer cette émission. Eve Etienne, Antoine Beauchamp, Nomina Guette, Saint-Ville-France et Ine Lausanne, Tob Humdenstock, Olivier Bétard à la réalisation. Dans les prochains épisodes de La Méthode Scientifique, lundi, nous parlerons de l'effet placebo, mardi, des programmes spatiaux chinois et indiens, mercredi, il sera question de la lutte contre la surconsommation énergétique qui est liée au numérique, au téléphone, à l'informatique et à tout cet univers-là. Jeudi, nous parlerons du malaise dans la psychiatrie française et vendredi, ce sera un vendredi fiction consacré à une nouvelle collection, la collection Parallax qui fait dialoguer, tiens donc, la science et la science-fiction, ça tombe bien. Demain, ne ratez pas à la même heure Étienne Klein dans sa conversation scientifique qui se demandera ce qu'il se passe quand passe une onde gravitationnelle. Nous, on se retrouve lundi à 16h jusqu'à preuve du contraire.